Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Nous sommes le lundi 3 janvier 2022. Et oui, déjà 2022, nous sommes bien sûr en direct. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Je suis ravi de vous retrouver après mes quelques semaines de congé. Je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une très bonne année 2022. Que celle-ci soit remplie de joie et de bonheur dans votre vie ou au travail. J'espère aussi que vous avez fêté la nouvelle année comme il se doit en musique. Pourquoi pas avec Radio Gamozo, en dansant, en buvant un petit peu, toujours avec modération. Évidemment, et je vous remercie en plus de commencer cette année 2022 en notre compagnie. Nous vous garantissons, ma foi, encore plein de programmes différents et diversifiés et toujours de la bonne musique. Je nous souhaite aussi à toutes et à tous que cette année 2022 soit meilleure que l'année 2021. Et donc, du coup, on croise les doigts pour ça. Donc, quoi qu'il en soit, pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Anne-Claire Jus de plasticienne qui est là pour nous parler de sa carrière de plasticienne et de tout ce qu'elle fait. Donc, bonjour Anne-Claire. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va bien, un petit peu tendu, mais ça va aller mieux. Parfait. Mais oui, ça va bien se passer. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, moi j'habite depuis quelques années dans les Vosges, je suis originaire de Meuse. D'accord. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts à Épinal, entre autres. Et parallèlement à ces études, j'ai fait beaucoup de stages avec des compagnies parce que c'est vraiment le spectacle qui m'intéressait. Mmh. Donc j'ai toujours plus ou moins fait parallèlement travailler dans le spectacle et de la sculpture, de la peinture, du dessin. D'accord. Et puis donc maintenant, je travaille en ce moment à l'Opéra du Rhin à Strasbourg comme accessoiriste, donc pour des spectacles. Mmh. Et puis je travaille aussi sur des créations personnelles. Là, plutôt sur des petites sculptures maintenant, parce que j'ai pas forcément actuellement un gros atelier. Mais je mêle les deux, en fait. Au niveau de mes créations de sculptures, ça peut être soit des créations personnelles, donc vraiment sur des idées, sur des projets vraiment personnels, ou alors pour des spectacles, pour des compagnies. D'accord. Mais donc, du coup, vous êtes venu aujourd'hui d'Alsace, jusqu'ici? Non, j'habite à Saint-Amé. Ok, parfait. Donc, voilà, c'est vraiment voisin. Ok, bah, c'est vrai, c'est pas si loin, c'est peut-être, je sais pas, 10-15 minutes d'ici, 5-10 minutes. En voiture, j'ai dû mettre 5 minutes. Ok. Et donc, du coup, avant de parler, justement, je vais vous demander si vous aviez fait des études d'art, du coup, les beaux-arts, pour du coup devenir plasticienne. Peintre, etc. Et bien que nous développerons le sujet tout au long de cette heure d'émission, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots toujours en quoi consiste le métier de plasticienne? Alors c'est assez vaste et je pense que selon les personnes c'est complètement différent. Donc moi, comme je disais, je travaille aussi bien sur des projets à moi que sur des projets pour des compagnies. Et je vais travailler aussi bien la sculpture que de la peinture. J'ai fait des fabrications d'accessoires pour une compagnie aussi. Là, c'était plutôt en papier mâché. Donc, c'est vraiment selon les projets que le médium se choisit et que le projet monte petit à petit. D'accord. Donc c'est vraiment très manuel, quoi. Bien sûr. Et donc, en tant que plasticienne, du coup, vous ne faites jamais la même chose? Non, c'est ça, ouais. C'est ça qui est bien. J'imagine. Et donc, depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier de plasticienne? Alors, le métier en tant que vraiment métier, on va dire 2008, quelque chose comme ça. D'accord, et en tant que pas métier, du coup? Et puis avant, comme j'ai fait des stages et pas mal de choses, je dirais depuis le lycée. Ok, d'accord, oui, donc ça a plus ou moins toujours fait partie de votre vie, du coup. C'est ça, oui. Okay. J'ai toujours bien aimé, même avant, dessiner ou bricoler ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Et donc, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez déjà cette envie de pratiquer un métier d'art plus tard? Ou pas forcément? Alors, un métier d'art, je sais pas si c'était déjà vraiment défini au niveau métier d'art, mais j'aimais bien tout ce qui était manuel, en tout cas, déjà. D'accord. Donc, c'était presque comme une évidence que vous travailleriez dans ce domaine plus tard. Oui, c'est ça. Ok. Et peut-être que certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs se font la remarque, quand ils nous écoutent, le mot plasticien ou plasticienne ressemble un petit peu au mot plastique. Donc, est-ce que cela signifie qu'en tant que plasticienne, vous travaillez avec le plastique ou pas du tout? Alors, en fait, c'est par rapport aux arts plastiques. D'accord. À l'époque des arts modernes et même avant, c'était plutôt les beaux-arts. Mmh. Et là, maintenant, tout ce qui est création contemporaine, c'est regroupé sous les arts plastiques. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de plasticien, mais ça n'a rien à voir avec le matériau plastique. D'accord. Au contraire, moi j'ai plus tendance à aller chercher les matériaux naturels. D'accord. Oui, j'ai vu d'ailleurs dans le portfolio que vous m'avez envoyé il y a quelques temps, j'ai l'impression que vous travaillez avec des matériaux de récupération. Oui, beaucoup, oui. C'est ce qui donne une certaine originalité. Est-ce que c'est votre petite touche personnelle, votre marque personnelle? Ça peut l'être. Après, j'ai pas forcément un matériau de prédilection, mais j'utilise beaucoup le métal, enfin le fil de fer. Oui, d'accord. Parce que je trouve que c'est vraiment un moyen de dessiner dans l'espace et de jouer avec les volumes, avec les lumières. Et après, selon la taille de la sculpture, on peut très bien utiliser du tout petit pour faire des personnages qui font, je sais pas, 1 cm de haut, ou beaucoup plus gros pour avoir des sculptures qui vont jusque 2-3 mètres de haut. Donc, faut être quand même assez minutieux. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que justement la minutie, c'est un des côtés qui vous intéresse? Est-ce que c'est un des côtés qui vous a poussé à pratiquer ce métier, la minutie? Voilà, j'ai perdu mes mots. Je sais pas si c'est la minutie en tant que telle ou le fait de créer quelque chose petit à petit en plusieurs couches, en fait, en rajoutant des morceaux, en remodelant les différents fils. Après, je sais pas si c'est vraiment le côté minutieux au sens horlogerie, mais c'est plutôt le... Comment on pourrait dire? Le côté évolutif de la création. Oui, c'est ça, ouais. Et puis d'avoir quelque chose de, en même temps, qui semble rude et solide parce que c'est du métal et parce qu'on utilise un fer à souder ou un chalumeau, et en même temps délicat parce que, avec le fil, ça permet d'avoir justement ces jeux de plein et de vide et de rechercher quelque chose qui serait presque en équilibre, un peu instable des fois. D'accord. C'est pas toujours voulu, mais. D'accord. Et donc, en tant que plasticienne, quelles sont les créations que vous faites, des sculptures, des peintures, autre chose? J'ai fait des photos, mais c'était plus quand j'étais aux Beaux-Arts. D'accord. Là, je fais plus trop, ou alors vraiment pour avoir gardé une trace de paysage, autre chose comme ça, mais plus en tant que telle. D'accord. Donc là, c'est plus le côté, du coup, sculpture, peinture que... Oui, c'est ça, ouais. Ok. Et est-ce que, justement, c'est vous qui avez décidé vers quelle création vous dirigeriez, ou est-ce que les créations que vous faites, au sens général, sont des créations que tous les plasticiens et toutes les plasticiennes font? J'ai un peu la sensation que ça vient au fur et à mesure, selon les idées et les envies, on se dirige plus vers une technique ou une autre. D'accord. Et puis après, je pense qu'il y a des techniques qui nous plaisent plus ou moins, et avec lesquelles on a plus ou moins de réussite aussi. Parce que je pense que c'est pas forcément évident. Un sculpteur sur bois, par exemple, va trouver ça complètement évident d'utiliser le bois. Et quelqu'un qui bosse plutôt le métal, où on va plutôt ajouter des éléments qu'en enlever, va trouver ça super compliqué d'utiliser le bois, alors que... Enfin, c'est vraiment personnel, je pense. D'accord. Mais je sais pas si on choisit vraiment, ou si ça se fait au fur et à mesure, en fait. D'accord. Donc fur et à mesure des créations, quoi. Pour votre cas, vous direz que ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est ça. Une fois, j'ai eu l'occasion de travailler le métal parce que je travaillais pour un festival où il y avait besoin de souder des choses. Ça m'a bien plu. Puis j'ai commencé à aller dans cette voie et au final, je pense que j'y trouve mon compte. D'accord. Avec ça. Et donc, comme nous le disions un peu plus tôt dans cette émission, à travers vos créations, vous utilisez du coup des objets de seconde main, des objets recyclés. Et est-ce que du coup, c'est une de vos motivations de donner une seconde vie aux objets? Alors en partie oui. Après j'utilise beaucoup dans les choses récupérées plutôt des vieux habits, des choses comme ça. D'accord. Et c'était parti d'une création que j'avais fait des personnages qui s'appelaient les Oubliés pour une exposition en Meuse il y a, je saurais plus l'année, mais il y a déjà un certain temps. D'accord. Et où j'avais récupéré des morceaux d'habits pour travailler par rapport aux personnes un peu mises de côté, oubliées, et effectivement de redonner vie à ces choses-là. Et je pense que j'aime bien aussi le côté patiné des vieux éléments, ou le côté ayant déjà vécu. C'est pour ça que j'aime bien récupérer des morceaux de bois, de bois flotté, de lianes. Ou quand je travaille le métal, de le faire aussi pas mal rouillé. Il y a vraiment une patine que je trouve assez chouette. Des matériaux qui ont déjà une histoire, du coup. Ouais, c'est ça. D'accord. D'ailleurs, la création dont vous parlez, donc les oubliés, oui. On peut la voir dans votre portfolio de 108 pages que vous m'avez envoyé, du coup, enfin, portfolio compressé, de 108 pages, il est présent dedans avec parmi toutes vos autres créations. Mmh. Voilà, enfin, je sais pas, est-ce que ce portfolio est disponible en libre service, on va dire, ou pas forcément? Je l'ai jamais forcément mis en ligne. Mais l'idée du site, en fait, c'est d'avoir vraiment comme un portfolio en ligne, quoi. D'accord. Là, faut juste que je m'attelle à le refaire sans flash. Bien sûr. Donc, il est 14h, presque 12. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une première fréquence musicale de votre choix et que nous écoutions pour commencer le groupe Massive Attack avec leur morceau intitulé Angel, pour donner les quelques références comme j'aime bien le faire. Je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient également quand je le fais. Ce morceau est interprété par le chanteur jamaïcain Horace Andy qui collabore régulièrement avec le groupe Massive Attack. C'est un morceau trip hop, rock industriel electronica. C'est un titre sorti en 1998, il y a donc 24 ans de cela, et c'est un titre issu de l'album intitulé Mezzanine de Massive Attack. Il s'agit d'ailleurs du troisième album du groupe, album sorti le lundi 27 avril 1998, et pour la petite anecdote personnelle, les trois morceaux que vous m'avez soumis, je n'en connaissais aucun. D'accord. Donc ça permet de la découverte, et peut-être que nos auditrices et auditeurs ne le connaissent pas forcément, donc ça vous fait un petit peu de découverte. Du coup, on écoute ce morceau, donc Massive Attack, non, le groupe c'est Massive Attack et le titre Angel, et on se retrouve juste après d'ici un peu plus de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gameozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio. Et vous êtes bien sûr toujours en direct. Il est 14h18:30. Et vous venez d'écouter le groupe Massive Attack avec leur titre intitulé Angel. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Anne-Claire Jude, plasticienne, qui est là pour nous parler de son métier de plasticienne, entre autres, et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours? Ça va toujours très bien. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs le savent, mais si jamais il y a des petites nouvelles ou des petits nouveaux qui nous rejoignent, déjà, bonjour, je vous salue, et je le rappelle, dans mon émission Fréquence Libre, comme dans mon autre émission À la rencontre d'auteurs d'ailleurs, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales afin que la dite émission leur corresponde le plus possible. Donc du coup, vous, Anne-Claire, vous avez choisi ce morceau. Et du coup, pourquoi ce morceau en particulier? Est-ce qu'il y a une raison ou pas forcément? Alors, pourquoi ce morceau? C'est un morceau qui me fait toujours des sensations terribles à chaque fois que je l'écoute. Pourtant, je l'écoute quand même régulièrement et je l'ai écouté beaucoup. Et à chaque fois, ça me donne des frissons dans le dos. Il me fait monter les larmes aux yeux quasiment à chaque fois. Et je sais pas l'expliquer, mais voilà. Et ça change pas au fur et à mesure que je l'écoute. Le pouvoir de la musique. Donc je voulais le partager. Bah, vous avez raison. Et donc justement, est-ce que vous travaillez en musique quand vous faites vos créations, etc.? Quasiment tout le temps, ouais. Ouais. Mm-hmm. Souvent, en tout cas. Est-ce que vous écoutez du coup les trois morceaux que vous m'avez envoyés en amont ou... Je peux écouter ceux-là et je peux écouter vraiment des choses très différentes, quoi. Ça va vraiment dépendre un peu de comment je suis à ce moment-là. Ça peut être des choses très dynamiques, joyeuses ou des trucs beaucoup plus speed. Je sais pas, je peux écouter aussi bien du rock que du trip-hop que de la chanson ou du métal ou de la techno. Enfin, c'est vraiment très varié, quoi. Tout dépend votre état du moment. Ok. Et donc, nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc, toujours dans le portfolio que vous m'avez envoyé au préalable, j'ai eu l'occasion de voir que, suite aux photos de vos créations que vous mettez dans le portfolio, vous faites toujours un petit texte explicatif. Donc, que pouvons-nous retrouver dans ces petits textes et pourquoi cette envie, ou peut-être même ce besoin, de faire un petit texte explicatif après chaque création, chaque photo? Alors, c'est pas forcément systématique, mais c'est vrai que c'est souvent. Mm-hmm. Et en fait, bien souvent, c'est je le fais avant de commencer à travailler. D'accord. Alors, je sais pas si on peut appeler ça une intention, mais ça me permet de un peu de développer l'idée que je veux faire passer. Alors peut-être que on m'a dit plusieurs fois, est-ce que c'est pas vouloir trop diriger le spectateur vers quelque chose ou une explication? Après, moi, je sais que pour la plupart de mes sculptures, je sens que j'ai besoin de rajouter ça. Mais par contre, je le mets jamais en avant par rapport à la sculpture. Sur les plus grosses sculptures, le texte, il est pas très grand. Il est sur un A4, donc au final, il est assez petit. Et souvent, je le présente posé à terre ou pas très haut. Et pas mis en avant, comme ça peut vraiment laisser le spectateur libre, soit de lire, soit de pas lire du tout. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment un complément par rapport à la sculpture. Ok, donc pas besoin, par exemple, de lire les petits textes pour comprendre et pour profiter de la sculpture. Non, après, chacun aussi est libre d'y voir ce qu'il veut, et j'ai déjà eu des retours, surtout sur des peintures où des personnes avaient une lecture dont ils me faisaient part et qui était complètement différente de ce à quoi j'avais pensé. Et c'est ça qui est enrichissant aussi, quoi, de pas... Bien sûr. Je veux pas imposer une lecture ou quoi que ce soit. L'idée, c'est aussi peut-être après, pourquoi pas, d'ouvrir un dialogue ou d'amener une autre vision, quoi. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Donc justement, cette diversité des points de vue, c'est une des choses qui vous plaît dans votre métier? Ah oui, c'est super ça. Et selon les personnes, on a des points de vue différents. J'avais fait une expo comme ça en Meuse il y a, je dirais, 5-6 ans. Et il y a des classes qui étaient venues. D'accord. Et dont des classes de, je sais pas, ça devait être des CP, CE1, donc des enfants assez petits. Et c'était assez chouette de pouvoir avoir des retours de petits comme ça, qui avait des points de vue complètement différents selon les enfants, qui voyaient des choses complètement différentes, qui voyaient des détails ou des choses que les adultes ne lisaient pas forcément. Donc oui, c'est super enrichissant ça. Et donc, Par exemple, quand quelqu'un vous donne son point de vue, vous n'allez jamais chercher à lui dire « Ah non, c'est pas ça que je voulais représenter, c'était autre chose ». Il peut se créer un dialogue en disant « Ah ben moi, je voyais plutôt ça ou je voulais plutôt aller vers là », mais c'est pas, il n'y a pas de science infuse en disant « Ah non, là, t'as mal vu, c'est pas ça, quoi ». D'accord. Et donc, nous remarquons que vous aimez bien faire du coup des personnages, notamment avec différents matériaux auxquels on ne penserait pas forcément au préalable. Mais est-ce que ce n'est pas trop compliqué de les fabriquer pour qu'ils ressemblent à ce que vous souhaitez ? C'est pas toujours évident, oui. D'accord. Et je pense que le plus compliqué, c'est quand il faut partir d'un... Enfin, quand il faut... Quand je pars d'un dessin ou d'une maquette... Par exemple, j'avais participé au festival Camille Claudel à la Bresse une année. Mmh. Et donc là, il y avait un envoi de projet avec une maquette pour la sélection des différents participants. Et quand je suis arrivé avec ma petite maquette qui devait faire 15 cm de haut et que j'ai commencé à travailler en me disant « Bon, bah là maintenant, il faut que je refasse la même mais qui fait 2 mètres de haut », les premiers jours, c'est pas forcément évident. Et au final, on se rend compte que ça... Bah, comme s'il y a des moments, ça se fait presque tout seul. D'accord. Après, au niveau des fois pour que ça tienne bien debout, au niveau des équilibres et tout, c'est pas forcément évident, mais mais ça finit par se faire. Mais des fois, c'est quand même ça demande plus de travail selon certaines choses. D'accord. Et peut-être aussi au niveau des proportions de l'œuvre. C'est vrai que ça, c'est pas forcément évident. De l'avoir du premier coup, du moins. D'accord. Donc, du coup, sur une œuvre, vous pouvez repasser plusieurs fois pour avoir le résultat final? Oui, bah c'est ça l'avantage du métal, notamment. C'est que je peux recouper, rajouter, jusqu'à ce que ça aille comme je le souhaite. D'accord. Ça, contrairement à, par exemple, un sculpteur sur bois qui va enlever de la matière, moi, j'ai une liberté de pouvoir en enlever, en remettre... Comme ça m'arrange. D'accord. Et du coup, combien de temps cela vous prend-il pour réaliser une création? J'imagine que ça dépend de l'œuvre souhaitée. Oui, c'est assez variable. D'accord. Souvent, quand même, j'essaye de noter pour avoir une idée du temps que je mets. Par exemple, pour la sculpture qui a été présentée au festival Camille Claudel, il y a une semaine de travail. D'accord. Et justement, est-ce que, par exemple, une sculpture plus petite prendra moins de temps qu'une sculpture plus grande ou justement pas du tout? Si, quand même, ça prend moins de temps. Après, j'ai quand même souvent plusieurs sculptures ou plusieurs travaux en même temps qui sont commencés. D'accord. Et quand je me sens un peu bloqué dans l'une, je passe sur une autre et il y a souvent quand même plusieurs étapes. Où c'est laissé un petit peu de côté, quelques jours ou quelques heures, et je reviens dessus après. D'accord. Mais justement, quand vous faites plusieurs créations en même temps, vous n'avez pas peur de vous perdre dans la création ? Oh, il y en a rarement beaucoup, mais ça me permet aussi des fois de prendre du recul ou de laisser un peu reposer tranquillement quand ça bloque, quoi. D'avoir un autre regard, du coup, sur la création. D'accord. Vous avez une création réalisée en 2013, notamment appelée « Femmes sauvages », dans laquelle vous parlez des différences qui existent entre les hommes et les femmes. Donc, diriez-vous qu'à travers vos créations, vous avez une certaine volonté de mettre un coup de projecteur sur ce qui mériterait, selon vous, de changer ? Il y a souvent, oui, au moins une réflexion sur certains thèmes dans mes sculptures. Après, de là à faire changer les choses, je sais pas, mais effectivement, pourquoi pas faire naître une réflexion sur un sujet ou l'autre, oui, je pense qu'il y a une volonté comme ça. Ouais. D'accord. Et le terme utilisé va peut-être être un petit peu fort, mais est-ce que vous diriez que vous êtes une artiste engagée ? Alors ça, je sais pas si je peux le dire ou si c'est à moi de le dire, mais en tout cas, engagée par rapport à mes convictions, ça oui. D'accord. Après, je sais pas si au niveau, enfin, ça dépend comment on l'entend, quoi. Je pense pas qu'il y ait un engagement politique ou quelque chose comme ça. Mais il y a souvent quand même une volonté d'aller dans un thème ou dans un autre de façon réfléchie et engagée, oui. D'accord. Et dans les descriptifs de vos œuvres que vous faites, comme on en parlait un petit peu plus tôt, nous voyons souvent des citations de grandes personnes et personnalités, comme par exemple le philosophe allemand Friedrich Nietzsche, l'alpiniste français Lionel Daudet, et j'en passe des meilleurs, comme on dit. Et justement, comment vous choisissez les citations que vous allez mettre, d'autant plus que les activités que pratiquent ces personnalités sont quand même assez différentes. Bien souvent, elles peuvent être le déclencheur d'une idée ou d'une autre. J'ai toujours beaucoup lu et c'est vraiment des choses qui me nourrissent. Et souvent les grands auteurs ou pas forcément des grands auteurs ou des grands aventuriers, des fois disent des choses tellement clairement et simplement d'une idée que j'ai en tête sans jamais arriver à l'exposer clairement, que plutôt que de réécrire quelque chose qui ne sera peut-être pas clair, j'aime bien utiliser des citations qui résument finalement ce que je cherche à exprimer. D'accord. Et qui, je trouve, épaule mon travail. Mm-hmm. Donc vous cherchez toujours des citations en rapport avec ce que vous êtes en train de faire. Oui, et c'est vrai que souvent c'est plus la citation qui est avant, quoi, avec quand j'écris le texte. D'accord. Qui sert à souvent des citations qui servent d'été au texte que j'ai écrit. Des citations qui vous guident du coup dans les choses à faire. Ouais. D'accord. Pensez-vous qu'il est possible de faire de l'art avec tout ? Vaste question. Après, ça dépend ce qu'on définit par faire de l'art aussi, mais comme pour moi, faire de l'art, c'est créer, je pense que oui, on peut créer à partir de n'importe quoi. Oui, je pense que tout peut servir de base et on voit bien au niveau de... Enfin, quand on va dans un musée ou dans une expo, au niveau des matériaux, mm-hmm. c'est complètement vaste. Et même à partir de quelque chose d'identique au départ, deux personnes vont faire des choses complètement différentes. Donc oui, je pense que c'est comme la musique, à mon avis, ça dépend vraiment de celui qui va trouver la petite étincelle pour faire un déclencheur et en faire quelque chose, quoi. D'accord. Moi, si vous voulez, j'ai une question plus simple ensuite. Comment décidez-vous de quel titre donner à quelle œuvre ? Alors ça, souvent, ça prend du temps. D'accord. Ça découle pas mal du texte que j'ai écrit, enfin, ou quand il y en a, ou... Ouais, souvent ça découle quand même du texte. Après il y a des titres, je sais pas si c'est vraiment illustratif ou ça découle de l'idée de départ en fait, de l'idée que j'ai, du texte. Et après je cherche ce qui pourrait un peu condenser l'idée. D'accord. Des fois il y a plusieurs étapes quand même parce que. Et je discute pas mal aussi avec les personnes de mon entourage. Qu'est-ce que t'en penses de ce titre-là ? Et toi, tu mettrais quoi ? Et il y a aussi par moments, suite à discussion, on me dit tiens, pourquoi tu l'appelles pas comme ça ? Oui, tiens, c'est bien ça. D'accord. Donc ça se décide pareil de façon différente selon les travaux. Ok. Donc il est 14h32, avant de vous intéresser davantage à tout ce que vous faites encore plus, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale de votre choix une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois-ci Claire, c'est mieux, d'Iterzy, avec son morceau Infiniment Petit. Toujours au niveau de quelques références, ce morceau est plutôt typé pop française, c'est un morceau sorti en 2015, et c'est un titre issu de l'album 69 battements par minute de Claire d'Iterzy, album sorti le lundi 2 mars 2015. Il s'agit du sixième album studio de la chanteuse en tant que Claire d'Iterzy, car elle en a d'autres auparavant sous d'autres pseudonymes. Et pour la petite anecdote, cet album est en parallèle au spectacle théâtral et musical du même nom, créé sur des textes du dramaturge hispano-argentin Rodrigo Garcia. Alors du coup, on écoute Claire d'Iterzy avec son titre Infiniment Petit, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes 30, donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Sa vie à penser qu'on est le centre du monde. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107FM. Vous venez d'écouter Claire Diterzi avec son morceau intitulé Infiniment Petit. Nous sommes bien sûr toujours en direct, il est 14h36. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Anne-Claire Jude, plasticienne entre autres, qui est là pour nous parler de son métier de plasticienne et de tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Anne-Claire ? Oh, parfaitement, oui. Parfait. Donc même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau de Claire Diterzi ? Je trouve que c'est un morceau qui donne de la bonne humeur. Mmh. Et en même temps, je trouve les paroles vachement sensées. Et c'est une chanteuse que j'avais découvert par hasard. Et en fait, ces morceaux sont très variés. Et j'avais envie, pareil, comme le groupe de tout à l'heure, c'est quelque chose que j'écoute pas mal. Et j'avais envie de le faire découvrir aux auditeurs qui connaissent pas cette chanteuse. Voilà, tout simplement. Donc bien sûr, vous nous écoutez peut-être chez vous, ça a été la rentrée pour beaucoup de personnes, donc chez vous, au travail, sur la route, quoi qu'il en soit, soyez prudents bien sûr, sur la route, c'est important, surtout qu'il fait un peu gris, pas très beau, qu'il pleut aujourd'hui. Voilà, donc faites attention. Donc du coup, on va reprendre cette émission, c'est mieux. Et donc, comme vous l'avez dit en début d'émission, vous travaillez également avec des compagnies de théâtre. Oui. Donc, comment se passent les prises de contact ? Est-ce que c'est vous qui allez à leur rencontre ou est-ce que ce sont eux qui viennent vous chercher ? Alors, ça dépend des fois. Au départ, quand j'ai commencé à travailler avec des compagnies, j'ai fait pas mal de courriers pour faire des stages ou pour trouver du travail. Donc, il y a eu quelques touches. Donc, ça m'a un peu mis un pied dans le milieu parce que c'est quand même beaucoup... un milieu qui fonctionne beaucoup sur le bouche à oreille, donc on peut très bien bosser avec une compagnie et puis après de bouche à oreille, il y a une telle compagnie qui a besoin de quelqu'un pour une construction ou pour faire travailler en technique, donc petit à petit ça se fait comme ça. Et selon les compagnies, j'ai vraiment des casquettes différentes en fait. Je peux très bien bosser en technique, donc pour installer des décors ou des choses comme ça. Après, avec des compagnies, j'ai fait de la conduite d'engins. Donc c'était avec une compagnie de danse, conduite de nacelles et de chariots élévateurs en spectacle, avec une chorégraphie avec un danseur. Pour une autre compagnie, c'était des constructions d'accessoires. Encore pour une autre, dernièrement, j'ai construit des petits éléments de décor, des petits télésièges, des choses comme ça, parce que c'était un spectacle sur le réchauffement climatique en montagne. Donc, après, au fur et à mesure, c'est soit moi qui les contacte parce que leur travail m'intéresse, soit eux qui me contactent. Parce que j'ai travaillé avec des compagnies qu'ils connaissent et mon travail les intéresse pour me mettre au service de leur projet. Donc ça va vraiment dans les deux sens. D'accord. Donc du coup, encore aujourd'hui, ça vous arrive de travailler avec des compagnies de théâtre ? Oui. Bah là, actuellement, je bosse surtout à l'Opéra Strasbourg parce que c'est des gros contrats qui prennent beaucoup de temps. Mmh. Donc quand je suis à l'Opéra, je suis pas disponible pour travailler ailleurs. Mais l'été dernier, j'avais travaillé avec une compagnie, celle pour qui j'ai fait ces petits éléments de télésièges et des choses comme ça. Une compagnie qui est en région parisienne. Donc ça, c'était l'été dernier. Je travaille aussi comme artificière avec une autre compagnie. Donc c'est vraiment des casquettes différentes, des boulots différents à chaque fois. Et c'est justement cette différence, cette polyvalence qui vous plaît là-dedans ? Oui. C'est super varié parce qu'en fait on fait jamais deux fois la même chose. Alors il y a des moments où c'est un peu fatigant parce qu'on fait jamais la même chose, c'est pas les mêmes horaires et tout ça, mais d'un autre côté chaque contrat est différent, c'est souvent aussi un peu à challenge. Bien sûr. Parce que quand d'un coup il faut faire une marionnette de cheval qui fait taille réelle et où un comédien doit monter dessus et qui doit se cabrer. Il y a des challenges, quoi. J'imagine. C'est intéressant. Justement, ça permet de peut-être repousser ses limites. Enfin. Voilà, oui. C'est ça, repousser ses limites. Ah, c'est sûr. Et puis de découvrir de nouvelles techniques ou des astuces. Aussi de croiser de nouvelles personnes qui peuvent aussi des fois trouver la solution au problème. Parce que c'est pas forcément toujours évident tout seul, mais. J'imagine bien. Et donc, du coup, on l'a dit au début de cette émission, donc vous faites de la sculpture, mais vous faites également de la peinture. Oui. Et dans cette catégorie, donc la peinture, ce qui est plutôt original, je trouve, c'est qu'il vous arrive de peindre deux fois le même sujet, des visages principalement, mais que dans la deuxième version, entre guillemets, vous représentez le visage d'une autre façon. Oui, alors je pense que vous faites allusion à une série que j'avais fait il y a quelques temps déjà. Et j'avais vraiment voulu travailler sur les caractères et les sensations plus que... Enfin, comment transmettre des états d'esprit, hein. Ouais, c'est ça. Des états d'esprit ou des états d'âme, un peu. D'accord. Et donc, j'étais parti sur une série comme ça. D'accord, je rechercherai pendant la prochaine pause musicale, pourquoi pas le nom de cette exposition. Oui, je la trouve plus. Moi non plus. Tout de suite. Et donc, du coup, pourquoi cette volonté de vous orienter vers d'autres arts? La peinture, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. J'aime bien aller régulièrement au musée. Je suis vraiment fasciné par les grands peintres des époques romantiques avec les grands tableaux de les tableaux de Turner ou de Friedrich. Il y en a un qui est très connu, le Voyageur devant la mer de nuages. Alors je suis pas du tout dans cette ampleur, mais c'est vraiment des choses qui me parlent profondément. Et d'ailleurs, dès que j'aurai un atelier qui me le permet, j'aimerais bien me remettre plus à la peinture et pouvoir développer ça. D'accord. Donc justement, est-ce que c'est la peinture, c'est un domaine qui vous permet de vous exprimer? Oui. Exutoire? À même titre que la sculpture, je pense. Est-ce que vous diriez que c'est un exutoire, du coup, comme ces deux domaines, ou pas forcément? Ça peut. Je pense que c'est surtout un moyen, peut-être, de dire ou de... Oui, ou de faire sortir des choses que j'arrive pas forcément à dire par la parole ou ou directement. D'accord. Donc, bien sûr, si nous avons un coup de cœur pour une création, pourquoi pas, nous pouvons l'acheter? Oui. Comment ça se passe si on veut acheter une de vos créations? Alors, j'ai jamais eu le cas hors exposition. Mais je suis tout à fait contactable par surtout par mail ou pour après discuter avec les personnes. Enfin, c'est vrai que j'ai plus vendu lors d'exposition parce que c'est plus évident directement, mais on peut tout à fait me contacter aussi directement. Et j'ai travaillé aussi en plus sur commande, soit de petites sculptures ou dernièrement la dernière pièce que j'ai fait, c'était pour des amis qui voulaient un support pour une glycine, mais qui visuellement est aussi une présence hors même sans la glycine en fait. Et donc j'avais travaillé sur une sorte d'arbre qui est du coup installé dans leur jardin pour tenir la glycine. Donc là c'était vraiment un travail en échange avec eux. On a fait des croquis ensemble. Et après, c'était un échange jusqu'à la réalisation. D'accord. Donc, ça peut être des commandes aussi, quoi, tout à fait. Ok. Je mettrai de toute façon toutes les informations pour vous contacter, si jamais, en podcast de cette émission, demain, dans la journée. Et donc, justement, j'ai retrouvé l'exposition. Donc, c'est l'exposition Visage avec un S en 2009. Oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment un travail dans les premiers. Oui, c'est vrai. Parce que vous l'avez dit en début d'émission, vous faites ça depuis 2008. Oui, à peu près, oui. Donc voilà, ouais, je les ai actuellement sous les yeux, c'est original, je trouve ça plutôt plutôt sympathique, les visages sont plutôt plutôt sympas, je trouve. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc, est-ce qu'il y a un type d'art que vous préférez pratiquer plutôt qu'un autre? Non, je pense qu'entre peinture et sculpture, je trouve les deux sont complémentaires parce qu'ils permettent pas forcément de dire la même chose ou de réaliser les mêmes choses et je me sens à l'aise dans les deux donc je vais de l'un à l'autre en fait. D'accord. Et je crois bien savoir que vous avez une exposition dans laquelle vous avez mêlé les deux, la sculpture et la peinture. Oui, alors c'est une série de, j'appelle ça des sculptures peintures parce que c'est pas vraiment défini. D'accord. C'est une série que j'ai fait sur bois. Donc la plus petite, elle doit faire 20 par 20. Et les plus grandes font quelque chose comme 70 par 40. Et c'est une série de peintures donc sur bois avec un peu de, enfin, de la gravure au départ. Et après un travail de peinture et toujours en aller-retour entre gravure et peinture. Et il y a des petits personnages qui reviennent par-dessus qui font entre 1 et 2 centimètres de haut. Donc c'est vraiment un mix entre sculpture et peinture. D'accord. Et donc justement, oui. Oui, pardon. Non, mais je vous laisse terminer. Et en fait, c'était une série que j'ai appelée Respiration. Et ça découle... Enfin, l'idée les m'était venue suite à la... à l'observation des falaises, parce que je fais beaucoup d'escalade. D'accord. Et souvent, les falaises sont très sculptées, colorées, avec les coulures d'eau, de mousse, de choses comme ça. Et j'ai voulu essayer de... Alors, transmettre ça, je sais pas si c'est si c'est vraiment le mot, mais partager ça avec les personnes qui vont pas forcément en montagne. Donc après, visuellement, ou une fois qu'on est devant les peintures, on n'y voit pas forcément ça. Enfin, selon les personnes, je pense qu'il y en a qui voient pas ça du tout, mais c'était le point de départ, en tout cas. D'accord. Donc justement, quels sont les outils que vous utilisez pour travailler ? Quand je travaille avec le bois, c'est plus des ciseaux à bois, et une petite outil de Dremel avec différents outils au bout, comme une sorte de petite perceuse, quoi, avec des petits forêts, des petits systèmes de ponceuse. Et pour tout ce qui est métal, c'est soit un poste à souder à l'arc. D'accord. Soit un chalumeau pour tout ce qui est un petit peu plus fin. Et qui demande plus de précision. D'accord. Ok. Et donc, il est 14h presque 49. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, je vous propose de nous lancer directement dans une dernière fréquence musicale de votre choix une nouvelle fois. Et nous allons écouter cette fois-ci le musicien, chanteur et comédien français Fantasio avec son titre Need No ou No Need. Je sais pas comment ça se dit. Enfin, un des deux. Et toujours au niveau des quelques références, ce morceau est sorti en 2005 et est tiré de l'album intitulé The Sweet Little Motherfucking Show. Album sorti en septembre 2005. Alors, on écoute Fantasio avec son titre Need No ou No Need et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Game Over d'ici un peu moins de 5 minutes. Tutu, I've got no mommy, coming on, I've got no sherry, and go no tease like a monkey in front of Walby. coming on, I've got no savvy. Ain't got no teeth like a monkey in front of wild bees. Need no ou no need de Fantasio sur Radio Gemozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, sur notre site internet ou sur notre application Orange Radio partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers, car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse et même en Allemagne, même au Québec avec le décalage horaire. Mais oui, on nous écoute quand même là-bas, donc nous sommes bien sûr toujours en direct pendant encore quelques minutes. Et il est 14h54 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Anne-Claire Jude, plasticienne. Voilà, tout va toujours bien? Tout va très bien. Parfait. Donc, alors, même question que les deux premières précédentes, les deux premières fréquences musicales, c'est mieux. Vous êtes habitué désormais. Pourquoi ce morceau de Fantasio? C'est un morceau qui donne une énergie terrible. Et j'avais envie de le partager au début d'année. Et sur scène, c'est pareil. C'est vraiment un chanteur qui a une énergie dingue et qui fait beaucoup d'impro. Enfin, je l'avais vu une fois, c'était à Toulouse. Et l'alarme incendie avait sonné et il est parti dans une impro avec l'alarme incendie. Ah oui. Et c'était vraiment génial, quoi. D'accord. S'il passe près de chez vous, je sais pas s'il tourne encore, mais allez le voir. Ok. Ça vaut vraiment le coup. Et donc, du coup, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé? Comme ça, je saurais pas. On a déjà fait le tour. Oui, on a fait pas mal. On a parlé déjà de pas mal de choses, oui. Ok. Et donc, si nous voulons vous suivre, vous retrouver, etc., comment pouvons-nous faire? Alors, pour le moment, c'est surtout sur Facebook. J'ai une page sur Facebook, Anne-Claire Juste Plasticienne. Mm-hmm. J'ai un site aussi, mais pour le moment, comme il était fait sous Adobe Flash et qu'ils ont arrêté, il fonctionne plus. D'accord. Mais je suis en train de travailler dessus pour en remettre un à jour. Pour le moment, c'est pas encore fait. Mais ce sera sur anneclaire-jude.fr quand il sera refait. Donc pour le moment, ça met une page blanche. D'accord. Mais je vais régler ça. Pas de souci. Donc du coup, je mettrai le lien de de votre page Facebook. Oui. En podcast, comme ça, on peut vous retrouver facilement. Je pense qu'elle doit être accessible librement, il me semble. Il me semble. Quand j'ai fait l'annonce ce matin, je pouvais y accéder librement, il me semble. Oui, donc c'est Anne-Claire Jude, plasticienne. Voilà. Ouais. Non, je mettrai le lien utile et puis en podcast de cette émission, du coup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh ben, que les expos reprennent et qu'elles continuent. Voilà, tout simplement. Un dernier mot avant de se quitter? Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, je crois que je l'ai pas encore fait, donc belle année à tous, et que chacun puisse réaliser, au moins prendre le chemin de commencer à réaliser ses rêves, parce que c'est le plus important de faire quelque chose de faire ce qui nous plaît, quoi. C'est vrai. Donc, du coup, voilà, c'est ainsi que. Pardon. C'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Anne-Claire, d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain à 18h avec le podcast de l'émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous l'envoyer par mail. Si vous voulez la récupérer, la partager, etc. Avec plaisir. En attendant, je vous laisse avec Gérard et salue les 60 d'ici quelques minutes à 15h qui nous parlera de Buddy Holly, chanteur, guitariste et compositeur de rock'n'roll qui a été actif de 1941 jusqu'à sa mort à 22 ans en 1959. Quant à nous, on se retrouve demain à 14h pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Et voilà. Donc merci de votre fidélité du coup à Radio Gemozo. Encore bonne année à toutes et à tous. Et du coup, je vous dis à demain. Donc salut et à demain.